Public. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio D'ici et aussi Radio Duo. Cette émission est enregistrée dans les studios de Radio Duo à Saint-Étienne, mais va être diffusée sur les deux antennes. Voilà, on est très... Enfin, en tout cas, moi, je suis très heureuse de cette situation. Et avec moi en studio, deux invités, Ganaël et Alix. Salut. Salut. Bonjour. Et du coup, vous êtes là toutes les deux pour nous parler du festival L'Écuyère qui va avoir lieu sur Saint-Étienne du 8 au 10 mai. Est-ce que déjà vous avez envie de nous expliquer pourquoi ce festival se nomme Festival d'Écuyère ? Du coup, la théorie d'Écuyère a été décrite par Christine Miserandino, qui souffre d'un lupus en 2003. Une amie à elle lui a demandé qu'est-ce que ça fait d'avoir un lupus, de vivre avec la maladie. Et elle s'est demandé comment rendre compte de l'impact sur chaque aspect de son quotidien et comment restituer avec clarté les émotions que toute personne malade ressent. La théorie d'Écuyère, c'est qu'on a un stock illimité pour la plupart des gens, pas de questions à se poser sur le coût de ses actions. Elle donne donc des cuillères à son ami, lui demande de détailler sa journée, y compris les tâches les plus simples. Christine lui enlève alors une cuillère pour chaque action. Se lever, se laver, s'habiller, cuisiner, manger. Je cite donc Christine. « Avant d'entreprendre quoi que ce soit, je dois penser au temps qu'il fait, à ma température du jour et envisager ma journée dans sa globalité avant de m'attaquer à quoi que ce soit. Alors que les autres peuvent simplement agir, je dois tout planifier dans le moindre détail, à l'instar d'une stratégie de guerre. » C'est là que se joue la différence entre être malade et être en bonne santé. Cette merveilleuse capacité à agir sans réfléchir, voilà ce qui me manque. La liberté de ne jamais avoir à compter mes cuillères. Le Festival des cuillères s'articule autour de groupes de parole sur les sujets du validisme ou du capacitisme, les maladies chroniques, le handicap et la santé mentale. Du coup, on reviendra sur ces notions de capacitisme et de validisme après l'écoute d'un extrait d'un podcast. Est-ce que vous avez envie de nous raconter comment est née cette idée entre vous ? On va faire une restitution d'une discussion que j'ai eue avec une amie. Ça commence par un long silence. On fait un truc ? Ouais, j'ai pas trop les cuillères. Eh, mais d'Ivoire, ce serait super incroyable un festival anti-validiste où on consacrerait plusieurs jours à parler de validité dans un esprit intersectionnel et qui s'appellerait... Le Festival des cuillères ? Oui. Ok, donc ça part d'un constat... Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que ces questions-là commencent à être abordées dans certains cadres, mais c'est pas une lutte qui est encore très visible, j'ai l'impression. Et du coup, y a un manque qui est ressenti et une nécessité de mettre ces questions-là... en avant ? Clairement, quand j'ai annoncé le festival, quand la première affiche est sortie avec la communication, il y a plein de gens qui sont venus me voir justement pour me dire « mais il manquait l'espace pour cette lutte, il manque l'espace pour parler, pour se rencontrer ». Et même si plein de personnes m'ont dit « j'aurais peut-être pas les cuillères », en fait ça fait super plaisir de voir qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont intéressées directement parce qu'il n'y a jamais rien en fait, au sujet du validisme. Et du coup, là, ce serait vraiment l'occasion de se rencontrer, de discuter entre nous, de réfléchir ensemble. Ouais, l'objectif, il est double. Visibiliser les différentes capacités de chacun, chacune, et aussi faire que les personnes se rencontrent et puissent se mobiliser ensemble. On a conscience qu'on ne va pas démanteler le système validiste pendant le festival, mais on veut surtout en discuter de manière bienveillante à travers différentes thématiques. L'idée, c'est vraiment d'être dans les bonnes conditions pour réfléchir, discuter et passer un moment agréable plus que de militer directement. On va quand même néanmoins ouvrir le festival sur un atelier de témoignages d'expériences validistes dans lesquelles nous nous sommes déjà trouvés. On fera une restitution des écrits et des enregistrements lors de la scène ouverte du samedi soir, ce qui permettra de visibiliser les discriminations parfois croisées que nous vivons au quotidien. On veut globalement être dans un esprit intersectionnel, mais surtout détendu. On a le droit à l'erreur. C'est une façon de dire qu'on ne veut pas lutter contre une seule discrimination, mais qu'on pense qu'elle doit être considérée comme un fil au milieu d'une toile d'oppression structurelle dans notre société. Ces oppressions sont liées les unes aux autres et on les détricote conjointement. Du coup, c'est important pour nous de faire attention à plein de choses pour que les participantes passent un moment agréable. Le festival s'adresse plutôt aux personnes concernées par ces questions-là, ou est-ce qu'il y a des temps en mixité spécifique et des temps en mixité plus générale ? D'abord, le festival a été pensé pour les personnes concernées ou au moins en questionnement parce qu'on a des gros problèmes de légitimité à se dire handicapé ou pas valide. Personnellement, j'aime de moins en moins le mot valide, mais je cherche encore. Les personnes concernées sont évidemment bienvenues, mais aussi les personnes aidantes et ou valides, qui auraient besoin de réfléchir un peu et surtout de nous écouter activement. Certains groupes de parole seront en mixité choisie pour les personnes concernées, mais on en fera un autre ouvert à tous en parallèle. Merci. Comme je l'ai dit en introduction, ça aura lieu du 8 au 10 mai, dans deux lieux différents, il me semble. Donc ce sera d'abord les deux premiers jours à la Cale. C'est au 16 rue Royer, c'est une salle de l'Amicale Laïque du Crédroc. Et le samedi, ce sera à la Gueule Noire. La Gueule Noire, c'est au 16 rue du Mont, vers Bellevue. C'est précisé sur la communication du festival, mais la Cale est accessible pour les personnes à mobilité réduite et pas la Gueule Noire, c'est ça ? C'est ça. La Cale est effectivement accessible PMR, y compris les toilettes. Il y a un ascenseur pour aller de Jean Jaurès à la Cale, ce qui permet aussi de monter plus rapidement pour les personnes à mobilité réduite. Le lieu sera non fumeur et la Gueule Noire, par contre, n'est pas accessible PMR. Néanmoins, elle dispose de plusieurs espaces, dont une salle calme qui nous semblait aussi essentielle pour un dernier jour. L'intérieur sera exceptionnellement non fumeur, même le soir. Sur l'accessibilité aussi, le port du masque sera fortement recommandé pour éviter un cluster. On aura des FFP2 fournis par Masque Bloc à Lyon. On ne servira pas d'alcool sur place, par contre la consommation discrète est ok. Toute la nourriture servie sur place sera végane et tu peux venir avec ton copain chien, ton steam toy ou ton casque anti-bruit. Merci. Justement, sur la consommation d'alcool, j'avais une question. C'est quelque chose que j'ai l'impression de voir ces derniers temps dans plusieurs soirées. Et je me demandais, est-ce que vous, cette décision-là, c'est lié à la question des addictions ? Ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons de faire ce choix-là ? La clope et l'alcool, c'est des grosses questions dans nos milieux. Et on n'a pas envie d'exclure les personnes qui consomment. Et en même temps, on n'a pas envie d'exclure les personnes sobres ou encore sensibles à l'usage de substances par d'autres personnes, notamment l'alcool. Donc une solution qu'on avait trouvée dans un autre événement, qui est certainement pas parfaite, ça a été d'avoir un espace réduction des risques et des récipients opaques pour l'alcool. C'est pas magique, mais ça aide un peu et surtout ça coûte rien de le faire. On va vraiment interdire à personne de consommer, on n'est pas la police. C'est important de comprendre un minimum les mécanismes des addictions auxquels nous sommes d'autant plus sujets et sujettes lorsque nous sommes malades, que l'on a une santé mentale fragile. On aura un petit stand de RDR. On a demandé à la Gueule Noire que la journée du 10 mai soit une journée non fumeuse à l'intérieur, qui n'est pas l'habitude de la Gueule Noire. C'est un choix qui a été fait aussi parce qu'on sera en mai, qu'il y aura la possibilité de fumer dehors. L'alcool, on a décidé de ne pas en vendre et de plutôt inciter à une consommation soft avec des cocktails soft. Mais bien sûr, les gens peuvent venir avec leur alcool, c'est ok. C'est un des trucs que j'adore dans les soirées où on ne sert pas d'alcool, c'est que souvent il y a des super soft à côté. Par contre, je tiens quand même à dire qu'on prend vraiment les remarques sur le sujet. On ne veut ni faire l'apologie ni de la consommation ni de la sobriété. Et c'est important de pouvoir prendre la question de la toxicophobie en compte. Ouais. Alors maintenant, on va écouter deux extraits d'un podcast de Victor Durand Le Push. Donc c'est plutôt un podcast autour du spécisme et des luttes antispécistes en général. Donc le spécisme, c'est le système de domination de l'espèce humaine sur les autres espèces. Et donc là, dans cet épisode qui s'appelle « Spécisme et capacitisme », Victor interview Frédéric Côté-Boudreau sur notamment les liens de rapprochement qu'on peut faire entre le spécisme et le capacitisme et aussi sur les tensions qu'il y a pu avoir entre ces deux luttes. Voilà, c'est vraiment un podcast que j'ai trouvé très intéressant et je vous invite à aller l'écouter en entier. Et l'une des contributions majeures, justement, des personnes qui travaillent sur le handicap, ça a été le modèle social du handicap. Le modèle social du handicap se définit par contraste avec le modèle plus traditionnel qu'on peut définir comme étant le modèle médical. Notre perception, notre définition même de ce qu'est le handicap se fait dans des termes tragiques, comme si c'était un manque. Les personnes ont moins de capacité intellectuelle, capacité à bouger, ils ont moins de sens pour percevoir le monde. Donc, c'est comme il y a toujours quelque chose de négatif et personne ne souhaite avoir un handicap et donc il faut le traiter médicalement. N'est-ce pas, avec que ce soit aussi des chaises roulantes ou des béquilles, bref, pour essayer de pallier ce manque pour que l'être humain puisse être plus fonctionnel. Ça, c'est assez réducteur, puis c'est beaucoup ce qui est critiqué. Ce n'est pas pour dire que ça n'existe pas. Le contraste, des fois, il est un petit peu caricaturé, comme si c'était deux visions qui s'opposent. Mais en fait, c'est pour rappeler simplement qu'il y a une autre perspective pour définir le handicap, c'est la perspective sociale, que l'on produit du handicap dans la manière dont on a conçu notre société, avec les standards de ce qu'est un être humain pleinement fonctionnel. Par exemple, la manière dont on imprime des livres. On a choisi de le faire avec de l'encre sur une page, parce que comme ça, la plupart des gens vont pouvoir lire. C'est sûr que c'est pratique. Mais on aurait pu décider de faire que, à partir d'aujourd'hui, tous les livres sont imprimés en braille. Bon, beaucoup de gens vont devoir apprendre à lire le braille. Et certaines personnes seraient alors avantagées. Mais dans les deux cas, il n'y a rien qui est naturel. C'est un choix de société. Et à travers ces choix-là, on vient activer ou désactiver certaines capacités des individus. Donc, lorsqu'on construit effectivement les bâtiments avec des escaliers plutôt que des rampes ou des ascenseurs, on vient de donner la possibilité à certaines personnes d'aller à l'étage ou de ne pas pouvoir s'y rendre. Pour bien comprendre le modèle social du handicap, on peut penser à la surdité. Le fait d'être sourd ne crée réellement de difficultés que dans une société conçue pour les entendants. Mais ce n'est pas la surdité en elle-même qui est un handicap. C'est l'environnement social et les choix politiques qui rendent certaines situations handicapantes. Par exemple, imaginez un événement où la majorité des participants sont sourds. Tout se passerait en langue des signes et les informations seraient visuelles plutôt que sonores. Et bien dans ce contexte, ce seraient les entendants qui auraient du mal à suivre, faute que le mode de communication utilisé soit adapté à leur capacité, s'ils ne connaissent pas la langue des signes. Ça montre bien que ce n'est pas la déficience qui crée directement le handicap, mais l'écart avec un environnement qui ne prend pas en compte la diversité des manières de fonctionner. Voilà pour le premier extrait qui présente un peu ces deux manières de percevoir le handicap, donc plutôt un modèle médical et un modèle social où du coup chaque personne a des capacités différentes et en fonction de comment se construit la société, on va activer ou désactiver certaines capacités et des personnes vont se trouver en situation de discrimination suite à ces choix-là. On va peut-être lancer le deuxième extrait et on en parlera plus en détail après ça. Mais la notion centrale, je ne l'ai pas encore nommée, puis c'est probablement la plus grande richesse qu'on peut emprunter pour l'éthique animale, c'est celle de la dépendance, qui est tellement mal perçue dans nos sociétés. On aspire à l'indépendance, c'est comme si c'était indigne de devoir quelque chose aux autres, on aurait une dette. Et les animaux, peut-être justement, ils sont dépendants, sont moins capables, donc on va se donner le droit d'intervenir dans leur vie, de décider à leur place. Mais la notion de dépendance n'est pas perçue de la même manière, justement, lorsqu'on adopte le modèle social du handicap. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas une propriété de certains individus qui n'ont moins de chance que les autres. C'est une propriété partagée par nous tous. On est tous dépendants des uns et des autres pour fonctionner, pour se développer, ne serait-ce que par quelque chose de très terre-à-terre pour se faire à manger. Je ne sais pas comment faire de l'agriculture, je ne saurais pas comment construire de l'électricité pour chauffer ma nourriture. OK, je pourrais faire un feu, mais même l'agriculture, je pourrais pas survivre un hiver avec ce que je suis capable de produire dans quelques tomates de jardin. On nécessite un réseau de personnes qui ont différentes divisions du travail, justement de spécialisation, qui nous aident à survivre et c'est essentiel. Personne vit tout seul sur une île. C'est drôle parce que c'est pas perçu comme des dépendances. Il y a certaines choses qui sont perçues comme des dépendances et pas d'autres, mais en fait, on est tous interdépendants et on s'en rend pas compte le plus souvent. Et on devrait le valoriser, ça nous rend tellement plus humbles, tellement plus humains, puis on va beaucoup mettre notre énergie à la bonne place. si on se rappelle cette interdépendance, où sont les besoins, comment est-ce qu'on peut s'entraider les uns et les autres, plutôt que de chacun aspirer à cette indépendance un peu mythique, qui, oui, elle existe, mais elle existe sur un continuum. Ce n'est pas blanc ou noir, c'est modulé, c'est variable, c'est sur un continuum. On est tous et toutes dépendants sur plusieurs aspects et ça mérite d'être valorisé. Donc voilà pour ce deuxième extrait du podcast Spécisme et Capacitisme. Je sais pas, c'est hyper politique et c'est très étonnant qu'on aborde encore assez peu ces questions-là, que ce soit sur des questions antispécistes ou sur des questions antivalidistes. En fait, moi, ce que j'en comprends, c'est que le capacitisme ou le validisme, on utilise plus le terme validisme en français. Pourtant, le terme vient à la base de l'anglais able, capable, et du coup, on le traduit plus par capacitisme, mais comme on l'utilise pas en France. Et du coup, le capacitisme, c'est un système intériorisé qui va hiérarchiser les êtres selon leurs capacités intellectuelles, physiques et affectives. Et c'est comme ça, en écoutant des podcasts sur l'antispécisme, que je me suis intéressée finalement à la cause anti-validisme. Il y a plusieurs intersections entre les deux luttes, notamment cette question de l'interdépendance. Je peux parler deux minutes de ma situation personnelle. C'est que, personnellement, j'ai été diagnostiquée à l'âge adulte. J'ai apprivoisé mon handicap tardivement. Et maintenant que je m'y intéresse, j'arrive à demander de l'aide. Et du coup, Alix est une personne aidante dans mon quotidien, notamment avec le Ménage Crew, si tu veux présenter. Alors le Ménage Crew, en fait, on est quelques personnes aidantes. Elle s'est dit, ben, en fait, j'ai tel ami qui est en galère à faire son ménage. Nous, on a les cuillères pour le faire. En fait, ça se trouve, il y a plein d'autres personnes qui sont en difficulté. Du coup, on a essayé de se monter en collectif pour diffuser que, ben, en gros, des fois, la MDPH, elle veut pas les aides ménagères parce qu'on est pas assez en galère. Enfin, bref, il y a plein de personnes qui ne peuvent pas le faire, mais qui n'ont pas accès aux aides. Et donc, nous, on est un peu là pour essayer de combler cet entre-deux de, ben, en fait, appelez-nous, envoyez-nous un mail et puis on viendra vous aider. On va pas vous demander de justificatif. On n'est pas la police, on n'est pas la MDPH. Et donc, ben, nous, on peut aider quand on a les cuillères, sachant que tout est à prix libre. Enfin, c'est même pas une structure, on est juste un collectif informel. Donc voilà, on sera présent sur un stand au Festival des Cuillères. On est 15 à 20% de personnes handicapées. Pourtant, les voix des personnes handicapées ont souvent été portées par les autres, les parents d'enfants handicapés notamment, enfants handicapés qui sont d'ailleurs doublement discriminés car enfants, car handicapés. Et donc, en tant que personne handicapée, on n'a pas la place, l'opportunité de le faire pour nous-mêmes, pas toujours. La discrimination systémique appelée validisme, c'est le fait que la société est principalement organisée par et pour des personnes valides. Le système validiste va autoriser et légitimiser l'exploitation, la maltraitance des corps jugés non valides, notamment la question qui revient, comme dans le podcast, c'est « peut-on vivre dignement en étant handicapé ?» La réponse est oui. Pourtant, l'État continue par exemple de réfléchir aux lois sur la légalisation de l'euthanasie pour les personnes handicapées spécifiquement. Je pense que c'est important de dire que malgré le pourcentage très élevé de personnes handicapées, c'est pourtant délicat dans le milieu handi de militer car on n'a pas ou peu les capacités. Ça peut être de s'organiser en groupe ou des capacités physiques, des capacités émotionnelles. Évidemment qu'on voudrait se réunir pour constituer une force militante collective, mais je crois qu'avant on doit pouvoir se retrouver, se repérer, s'appréhender, identifier nos alliés, et là peut-être on pourra réfléchir à quelque chose. Et c'est pas grave de pas réussir à militer justement pour nos droits, on fait ce qu'on peut. Et c'est pas grave non plus de faire appel à quelqu'un pour du ménage. Je pense qu'il y a une urgence politiquement à visibiliser les capacités spécifiques pour pouvoir les prendre en compte. Car en tant que personne handicapée, même si on a une forme d'invalidité, ça ne permet pas de comprendre toutes les autres formes d'invalidité. On sera toujours d'une certaine manière le ou la valide d'une autre personne. Ça veut dire qu'on peut faire des erreurs et qu'on veut bien chercher avec vous à faire les choses mieux. La préparation de cette émission, du coup, elle m'a forcée à me plonger dans les luttes anti-validistes, ce qui était super. Et justement, dans des rencontres antispécistes, J'ai récupéré une brochure qui s'appelle Creep, compilation de textes à propos de Lutandi, qui est écrite par Ariette de G. Et donc, qui est une brochure intersectionnelle. J'ai l'impression qu'il y a un peu une spécificité de la lutte antivalidiste, c'est qu'en fait, ça demande un effort de visibiliser et de montrer que, en fait, même si les personnes peuvent être dans des situations individuelles très diverses en fonction des capacités de chacun, chacune, voilà, que ce soit des capacités différentes, comme vous disiez, sur le plan cognitif, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, en fait, de quand même montrer que la société, elle crée un système de hiérarchie qui est commun à toutes ces personnes et qui fait une discrimination spécifique qui est commune, elle aussi. Mais il y a un vrai truc du système validiste qui va autoriser, légitimer l'exploitation, la maltraitance aussi, des corps jugés non valides, plutôt des personnes au corps jugé non valide. On se demande par exemple si elles sont capables de travailler, notamment en ESAT pour 3 euros de l'heure. Et en fait, je pense que ce qu'il faut bien intégrer, c'est un peu compliqué ce que je vais dire, mais en tant que personne handicapée, même en tant que personne pas handicapée, on est des agents moraux. On est doté d'agentivité, ça veut dire qu'on a la faculté d'agir de manière intentionnelle sur nous-mêmes, les autres et notre environnement. On a la capacité de réfléchir sur notre situation, de former des intentions, d'effectuer des actions, et même si on n'a pas la capacité d'aller dans la rue, de crier pour nos droits, d'écrire des lettres, de signer des pétitions, je ne sais pas. En fait, il faut nous écouter, il faut écouter nos revendications, et même si c'est porté par quelqu'un d'autre. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale. On se lance avec Joé Gluten, Mot du médecin. Allez. Bientôt 12 piges que je subis les regards chelous des pharmaciens quand je tends l'ordonnance. Je prends 4 fois les doses que ta mamie prend. 12 piges qu'on m'a dit tu tiendras pas longtemps. Qu'on m'a dit tu sais c'est pas pour être méchant. Mais le chant, oublie t'as pas le souffle pour toi. T'as le souffle court et des poumons de petit vieux. Mais des os pas des os c'est les mieux que j'ai. Ego trip d'asthmatique ouais ça parlera peut-être qu'à 3 pélos sur terre. Mais au pire bah les couilles. Alors RPZ si tu sais ce que c'est qu'une AL déductionnaire en plein programme. J'attends pas grand chose de la vie tu sais. À part qu'on me laisse à peu près peinard et avoir assez d'air dans le réservoir. Pour finir, c'est pas grave. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vos colis dans la poche et micro dans la main. Est-ce que je peux me barrer du concierge et un bon du médecin? Inspire. Expire. Est-ce que je peux me barrer du concierge et un bon du médecin? Hey Gaëtan, vieux punkash. Comment tu vas? Ouais, t'étais le seul à piger la merde, piger l'enjeu d'être entre l'autodestruction et les soins. Tu disais on se fait beau pour sucer les robots quand on allait à l'hosto se fourrer les tuyaux et tout un tas d'autres trucs dans la bouche. Tu disais survie, reste pas sur la touche. Alors est-ce que t'es mort ou est-ce que ça va bien? Est-ce que tout roule et c'est qui le prochain? Tous les jours devant le miroir de la salle de bain. Je me pose la question pendant que j'avale 3 pilules, 3 injects, 3 inhales qui me rappellent froidement que je suis périssable, que je fais ce que je veux tant que ça blesse personne et que j'emmerde le grand capital. Inspire. Expire. Vos colis dans la poche et micro dans la main. Est-ce que je peux me barrer du concierge et un bon du médecin? Inspire. Expire. Est-ce que je peux me barrer du concierge et un bon du médecin? Ok. Tirade labo, ouais, injecte-moi des trucs, ouais, balade-moi de médecin en médecin, fais de moi un mec sans, j'attends que ça la fin des symptômes, ça me saoule, squatter les salles d'attente, où des vieux chevaux en blouse me disent, fiston, fais gaffe, ouais, fais ci, fais ça, mais vis pas cette vie-là, vis celle qu'on a prévue pour toi, celle qui est carrée sans les peuses, qui est toute la crasse, que ses poules trimballent sous la tête par terre. Tu veux savoir le plus marrant? Avant ça, je vous ai pas crié. Et maintenant maintenant j'adore ça. Voix collée dans la poche et micro dans la main. Est-ce que je peux me barrer du concert? J'ai un volume sans. Expire, expire. Est-ce que je peux me barrer du concert? J'ai un volume sans. Expire, expire. Est-ce que je peux me barrer du concert? J'ai un volume sans. C'était Mot du médecin de Joé Gluten. Donc vous êtes toujours à l'écoute soit de Radio Audio à Saint-Etienne, soit de Radio Odyssey dans le Pila. Et on est toujours en studio avec Alix et Ganaël qui viennent nous parler du festival antivalidiste L'Écuyère. C'est peut-être le moment de faire une présentation un peu générale des 3 jours de festival qui auront lieu donc du 8 au 10 mai sur Saint-Étienne. Voilà, donc il y a plusieurs types d'événements. Il y a des ateliers, des discussions, des soirées. Voilà, bah, je vous laisse la parole. Alors, le premier jour, donc ce sera le 8 mai à la Cale, on va commencer par un atelier de retour d'expérience validiste. Donc ça, il y aura des retranscriptions, donc soit écrites, soit enregistrées. Donc on pourra partager après. Ensuite, bah, dans le même thème que la musique qui vient de passer, il y a la question du rapport à la mort. Donc on va en parler en petit groupe. Même question que ce dont on parlait avant, comment est-ce qu'on rend accessibles nos événements? Donc il y aura une discussion sur en fait comment est-ce qu'on... On essaie de concilier un maximum de besoins dans un seul et même espace. Et après, une discussion sur la pauvreté et le handicap. Donc le vendredi 9, toujours à la Cale. Comment est-ce qu'on peut se reconstruire avec le handicap et notre rapport à celui-ci? Ensuite, il y a la revue Z qui interviendra et qui viendra parler un peu de synthé. Les personnes de la revue Z vont venir présenter le numéro 17 qui parle de synthé. Et de soigner la santé, car on le sait, à Saint-Étienne, le démantèlement de la psychiatrie, entre autres, fait partie de notre quotidien. Ensuite, on parlera de l'animalisation des personnes handy. Donc comment est-ce que capacitisme et antispécisme peuvent s'articuler ensemble? Comment est-ce que ça a été confronté? Comment est-ce qu'on peut les rassembler? Donc avec le collectif local Synthé Antispé. Et le soir, on projettera un film. Le samedi 10, ce sera la gueule noire. Donc il y aura d'un côté le temps lecture, qui peut s'enchaîner avec la permanence de l'hérissé, et d'un autre côté, le jeu des cuillères. Ensuite, un atelier d'entraide administrative, parce qu'on sait que ça peut être très compliqué, qui va s'enchaîner avec un groupe d'échange sur l'autisme, et ensuite, il y aura une discussion pour les aidants, donc comment s'adapter en tant qu'allié, et le soir, scène ouverte. Tout le long de ces 3 jours, il y aura des stands avec des infos kiosques, il y aura des petits trucs à grignoter comme des gaufres. Il y aura aussi des stands d'artistes qui vont venir exposer. Donc, par exemple, il y aura de la maroquinerie vegan, des autocollants, des carnets, des prints de lino, enfin, tout plein de belles choses. Et il y a Les Intrus qui va venir un soir pour présenter tout plein de BD sur la santé mentale, sachant qu'il y en a quand même vraiment beaucoup et que la BD, c'est un format qui est quand même assez accessible. Merci beaucoup. J'avais envie de vous demander justement, est-ce que vous aviez réfléchi au fonctionnement de l'ORGA pour que des personnes, bah, comme on disait, qui ont des capacités différentes les uns les unes des autres, puissent participer? Alors oui, on essaye de prendre en compte les capacités de chacun chacune. Les bénévoles choisissent leur domaine de bénévolat, principalement la cuisine, l'accueil et la buvette, peuvent être polyvalents ou polyvalentes si elles veulent, mais on tient à prendre en considération les tâches qu'elles ne veulent pas faire ou qu'elles ne peuvent pas faire. Si elles ne peuvent pas et veulent le faire, on peut s'arranger, adapter l'environnement. Comme on le disait, le handicap est une construction sociale. Et du coup, si on permet aux personnes de le faire, finalement, est-ce qu'on est encore en situation de handicap? Et du coup, on va quand même demander de l'aide au ménage crew et à une team cuisine mobile qui est en création, qui viendra nous aider pour la restauration. On s'enlève donc un petit poids en décentralisant les tâches. On aura un et une référente pour chaque domaine. Comme ça, ça nous permet de rattraper les informations, de savoir où on en est dans la découpe de patates, savoir où on en est du stock de limonade. Et du coup, il y a une personne qui se charge de ça. On tourne, histoire de garder des cuillères. Ça permet de moins se fatiguer et de parfois laisser le cerveau en pause, pour couper des patates notamment. Surtout, il n'y a aucune obligation à venir le jour J. Les personnes peuvent s'engager à moitié, c'est-à-dire dire peut-être je viendrai, peut-être je viendrai pas. C'est ok, si on n'a pas l'énergie, qu'on est malade, qu'on est trop stressé ou juste qu'on n'a pas envie, il n'y a pas de pression. On essaye de fonctionner un peu comme des événements autogérés, en faisant quand même attention en cuisine parce que c'est souvent le truc qui pêche dans l'autogestion. Pour les animations, on a un système de backup pour les animateurs et animatrices des groupes, ce qui permet aussi de moins se mettre la pression. Donc là, l'émission sera diffusée sur Radio Dio juste quelques jours avant le festival. Sur Radio d'ici, peut-être un peu avant, mais voilà, c'est un peu plus loin pour participer. On peut quand même, peut-être qu'à ce moment-là, même quelques jours avant, vous aurez encore besoin de bénévoles sur certaines tâches. Oui, c'est totalement possible de rejoindre l'équipe de bénévoles au dernier moment. Même pendant le festival, 5 minutes avant, de venir et de dire « Hey, est-ce qu'il y a besoin d'aide ?» C'est aussi tout à fait possible de lâcher au dernier moment. D'ailleurs, mon amie avec qui on a pensé le festival à la base a dû se résoudre à abandonner l'organisation par manque de cuillères, ce qui est un peu finalement le thème. Au dernier moment, du coup, normalement, les purificateurs d'air auront été fabriqués, mais on aura les compétences, donc on peut aussi en fabriquer avec d'autres personnes. Si vous voulez équiper d'autres lieux de purificateurs d'air, ça peut être super chouette. Il y aura également besoin d'aide, la préparation des lieux, le ménage, ça c'est possible de s'engager au dernier moment, la cuisine, l'accueil, la buvette également. La co-animation des groupes de parole, ça risque d'être plus compliqué, à moins de prévoir en 2 jours un sujet, pourquoi pas, hein, si vous avez les cuillères. Et on prend surtout les suggestions pour la projection du vendredi soir, car au moment où on enregistre, on n'a pas trouvé. Peut-être qu'au moment où ça passe, on a trouvé. Les suggestions sont toujours bienvenues. Les ressources que vous pouvez conseiller sur le sujet nous intéressent. Si on a le temps, on les imprimera. On cherche aussi, et surtout, on cherche aussi à qui donner les bénéfices éventuels. Il n'y en aura peut-être pas, mais s'il y en a, un collectif en rapport avec la santé, ce serait super chouette. N'hésitez pas à nous contacter, histoire qu'on vous donne quelques euros. Pour revenir d'ailleurs sur la question de la thune, l'événement est à prix libre. C'est ça. Ouais. Le prix libre, c'est donner ce que tu veux et surtout ce que tu peux. Il n'y a pas de pression, tu peux donner 0 euros. C'est aussi le principe du prix libre, c'est que ça commence à 0. Si tu n'as pas de thune, ce n'est pas grave, personne ne va te juger. Tout sera à prix libre, sauf certains stands d'artistes qui ont besoin de mettre des prix fixes. Il n'y aura pas de terminal à carte bleue, prévoyez du cash. Il faudra, si vous souhaitez consommer au bar, adhérer à la cale et ou à la gueule noire, selon où on est. L'adhésion est prix libre aussi. Et pour retrouver du coup un moyen de contact et peut-être le programme du festival pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore eu, c'est sur numéro 0 ? Oui, il y a le numéro 0, il y a le Hello Asso qu'on trouve facilement en tapant le Festival des Cuillères sur Internet. Et également, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse mail lesficellesdelabobinerie@outlook.fr, les ficelles ficelles de la bobinerie, DELABOBINERIE, @outlook.fr, OUTLOOK.fr. Ou l'Instagram des ficelles de la bobinerie. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été pensées et mises en place pour l'inclusion de toutes et tous ? Alors oui, déjà premièrement, on aurait kiffé avoir un lieu entièrement accessible personnes à mobilité réduite, notamment pour les fauteuils, mais aussi autiste friendly, donc avec plusieurs pièces, dont certaines peu stimulantes et calmes, ce qui est un vrai casse-tête à Saint-Étienne. Donc on a dû se résoudre, car peu de lieux, pas de date proche disponible, à utiliser 2 espaces différents. On parlera du coup plus spécifiquement de l'accessibilité et du besoin de concilier les espaces de tous dans le même espace dès le premier jour. On modifiera tout ce qu'on peut modifier au moment, à l'instant T. Et on prendra en compte vraiment ce à quoi on devrait toujours penser dans les organisations d'événements. Sur tout un tas d'autres points, on a notamment des micros pour les personnes à l'aise de les utiliser pour faciliter les discussions. Il n'y aura pas d'obligation non plus de les utiliser, on sait que c'est compliqué. Pour les personnes qui sont malentendantes, on a prévu un logiciel de retranscription écrite Ce qui permettrait aussi de ne pas toujours utiliser le micro pour les personnes qui sont un peu timides. On a un gros point nourriture. La nourriture, c'est super important, je pense, dans un événement collectif, que tout le monde se sente à l'aise. Donc, on a concocté quelque chose entre le réconfort et l'équilibre. Il y aura un accès continu et une interrogation sur comment substanter une cinquantaine de personnes en utilisant le moins possible de produits issus de la colonisation. Gros défi. Et on n'utilisera pas de produits animaux. On essaiera d'utiliser des ingrédients pas trop chers pour réduire les coûts et aussi inspirer peut-être des personnes avec de la comfort food vegan et accessible. On donnera les recettes, ce sera chouette. Il y aura des gaufres salées et sucrées. Je parle beaucoup des gaufres, mais c'est très important. Avec et sans gluten, tu peux aussi ramener ta comfort food, c'est ok. On ne te demandera pas de la prêter aux autres. On check les gens sur leurs allergies et intolérances alimentaires. Si tu en as, n'hésite pas à nous contacter et t'inscrire sur le formulaire pour les dire. Tous les ingrédients seront écrits, histoire d'éviter des petits problèmes d'allergie. On espère vraiment faire au mieux. La nourriture, c'est compliqué dans les événements collectifs. On teste un peu et si vous avez des suggestions, n'hésitez vraiment pas. Également, il y a des solutions d'hébergement et de transport ou toute autre logistique comme monter les stands pour les personnes qui en ont besoin. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. L'équipe d'organisation va veiller à accueillir et checker les personnes qui ont l'air isolées ou un peu mal. Il y aura une personne avec un brassard de couleur, pas toujours la même, histoire de tourner, pour être reconnue comme référent, référente écoute. Si tu as un problème, si tu as besoin d'être écouté, de parler, il y aura cette personne-là qui sera là. Tous les participants et participantes seront invités à rester attentifs et attentives aux autres. On aura également une personne référente, VSS, les violences sexistes et sexuelles, le samedi pour la soirée scène ouverte. Les masques, ça semble être un point hyper important dorénavant, mais il est difficile de les rendre obligatoires, ne serait-ce que pour les personnes qui peuvent vraiment pas en porter. Vu que les repas sont sur place, il va être difficile d'aérer les lieux, ce qui est souvent pas suffisant. Donc le masque, il sera d'autant plus nécessaire. On aura des purificateurs d'air pour essayer d'améliorer la qualité de l'air pour les personnes qui en ont besoin. Donc pas de clope à l'intérieur pour les mêmes raisons. Et on aura aussi du gel hydroalcoolique et on attend la livraison de Bulk Yes. Mais bon, c'est pas pour ces raisons qu'on va faire la police du Covid, on essaye de compter sur tout le monde pour se gérer. Le vendredi et le samedi, il y aura une salle calme, peu stimulante. Malheureusement, il n'y en aura pas le jeudi. Elles sont toutes les deux en étage. Et dans ces pièces-là, les participantes seront amenées à ne pas faire trop de bruit dans ces pièces. On a aussi parlé d'intersectionnalité tout à l'heure. Mais c'est pas pour autant qu'en fait on va essayer de faire la police militante. Enfin, on a le droit à l'erreur et c'est pas grave de dire les choses enfin, qui sont pas ok. Le but c'est surtout de reconnaître que c'est pas ok. Donc il faut que chaque personne se sente libre de parler librement. Merci. Est-ce que vous avez des choses que vous avez envie de rajouter avant qu'on se quitte? Ça va être trop bien. Je pense qu'on a un peu tout dit. Venez manger des gaufres, c'est super. Les gaufres. Il y a une carte du coup qui a été créée par des personnes concernées qui recense quelques lieux et quelques événements sur le validisme et la santé mentale. Et on mettra aussi les ressources dont on a parlé, donc le podcast plutôt antispéciste de Victor. Durant le push. Durant le push. Et j'avais aussi envie de citer un podcast. Du coup que j'ai trouvé grâce au premier, donc comme un poisson dans l'eau. C'est un podcast qui s'appelle Présage, donc il y a différents épisodes et il y en a un où notamment l'animatrice reçoit Charlotte Puiseux qui est une militante antivalidiste. Ça s'appelle Le handicap est une construction sociale, il est super aussi à écouter. Bravo en tout cas pour l'initiative et merci d'être venu en parler aujourd'hui avec nous. Merci à toi. Merci. Et on se quitte sur une chanson de Oshi, Mauvais rêve. Salut. Salut. Salut. Je m'appelle Mathilde et aujourd'hui c'est ma naissance. Je suis prématurée, ça sera ma seule fois en avance. Je sais pas à quoi m'attendre, est-ce que ma vie va étendre? Allez, je m'endors pour mon premier rêve. La vie a l'air facile, je viens d'avoir 4 ans. Je me suis trompée de fil, je voulais être avec les grands. Je me cachais sous la table, on m'a volé mon cartable. Oh non,